avec toi. Sentir les étages dégringoler sous nos pas. Oublier la ville qui ne respire plus tout en bas. Et t'aimer comme on ne s'aime plus ou pas. Je veux courir sur les toits avec toi. Main dans la main, les sauts gracieux comme ça. Le vide d'un court instant qui nous tend les bras. Mais on lui échappe encore, n'est-ce pas? Mais tais-toi, des fois on ressemblera à mais en bas comme on s'ennuie, on remontera à. Je veux courir sur les toits avec toi. Plonger nos cœurs dans l'azur un peu froid. Et disparaître dans la fumée des cheminées. Ressurgir dans une nuit étoilée. Je veux courir sur les toits avec toi. Avec vue imprenable sur le septième ciel. Peut-être qu'un jour il nous poussera les ailes. À nous mêler au quartier de Dominique A. Et des toits, des fois, on ressemblera à mais en bas, comme on s'ennuie, on remontera à. Je veux m'asseoir un instant avec toi. Te dévorer des yeux dans le contre-jour. Les bonheurs accrochés aux tuiles pour toujours. Qui grimpent et fleurissent sur tous les toits. Et des toits, des fois, on ressemblera à mais en bas, comme on s'ennuie, on remontera à mais.